إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, en ce neuvième jour du mois de Ramadan 1440, nous continuons la lecture de cet épître Fusulun fi siyam wa tarawih wa zaka, article sur le jeûne, la prière de tarawih et la zakat de l'éminent cheikh et du grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Nous allons voir dans l'assise d'aujourd'hui le quatrième article dans lequel le Cheikh rahimahullah a parlé des annulatifs du jeûne, c'est-à-dire des choses qui, si elles sont commises, elles invalident le jeûne de la personne. Il dit rahimahullah, les annulatifs du jeûne sont au nombre de sept. Le premier, c'est-à-dire le premier annulatif, est al-jima', c'est-à-dire le coït, les rapports intimes entre l'époux et son épouse. Il dit, rahimahullah, cela consiste à l'entrée du membre de l'homme dans le membre de la femme. Ceci est ce qui est visé par les rapports intimes. Donc lorsque le jeûneur a un rapport intime, son jeûne est invalidé. Et si ceci est durant une journée du mois de Ramadan, et que le jeûne est obligatoire pour lui, alors il lui incombe une expiation aggravée à cause de l'indécence de son acte. Et cette expiation, qu'est-ce que c'est? Il dit, rahimahullah, il devra affranchir un esclave. Et s'il ne trouve pas d'esclave à affranchir, alors il devra jeûner 2 mois consécutifs, c'est-à-dire 60 jours consécutifs, sans aucune interruption. Et s'il ne peut pas, alors il devra nourrir 60 pauvres. Et ceci est l'expiation qui a été mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: oh messager d'Allah, j'ai péri. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'as-tu? Il a dit: j'ai eu un rapport avec ma femme alors que je jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: trouves-tu un esclave que tu pourras affranchir? Il a dit non. Il lui dit alors: peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? Il lui dit non. Il dit alors: trouves-tu de quoi nourrir 60 pauvres? Et l'homme dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est alors resté ainsi, et c'est alors qu'on lui a apporté un panier de dattes. Il a alors dit: où est le questionneur? Le questionneur dit: je suis là. Il lui a dit: prends cela et donne-le en aumône, c'est-à-dire en guise d'expiation. L'homme a dit: au profit de plus pauvres que moi, au messager d'Allah, car je jure par Allah qu'il n'y a pas entre ces montagnes de famille plus pauvre que la mienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors rit au point de laisser apparaître ses canines, puis il a dit: nourris-en ta famille. Donc ce hadith, il nous prouve l'obligation de l'expiation pour celui qui fait le coït durant une journée de Ramadan, alors que le jeûne est obligatoire pour lui. Il dit ensuite, rahimahullah, et si le jeûne n'était pas obligatoire pour lui, comme par exemple, il dit, le voyageur, une personne est en voyage, et elle jeûne, mais le jeûne n'était pas obligatoire pour elle, étant donné qu'il lui est permis de rompre en raison de son voyage, et qu'il a un rapport avec son épouse alors qu'il jeûne, alors il devra simplement rattraper et il ne lui incombe pas d'expiation. Et ce, car le jeûne n'était pas obligatoire pour lui et qu'il était excusé pour le fait de rompre. Le deuxième annulatif, c'est la sortie du liquide séminal. Il dit, rahimahullah, que ce soit à cause de caresses, d'embrassades, d'enlacements ou autre chose semblable. Si la personne embrasse son épouse ou l'enlace et que suite à cela, le liquide séminal sort, alors son jeûne est invalidé et lui incombe de rattraper ce jour. Il dit, rahimahullah, mais s'il embrasse et que le liquide ne sort pas, alors rien ne lui incombe. En effet, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses alors qu'il jeûnait. Donc si l'homme contrôle sa personne et que l'embrassade ne cause pas la sortie du liquide, Alors dans ce cas, il lui est permis d'embrasser son épouse, même s'il jeûne. Mais s'il sait que cela est risqué, alors il doit s'écarter de cela et ne pas mettre en danger la validité de son jeûne. Comme l'a dit Aïcha radiallahu ta'ala anha, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a mentionné le fait qu'il embrassait ses épouses lorsqu'il jeûnait, elle a dit radiallahu ta'ala anha, et il était le plus apte parmi vous à contrôler ses désirs. Le troisième annulatif du jeûne, c'est le fait de manger et de boire, c'est-à-dire faire parvenir la nourriture et la boisson dans ton ventre, que ce soit par la bouche ou par le nez, et quelle que soit la nourriture ou la boisson absorbée. C'est-à-dire que si la personne avale de l'eau par son nez, volontairement, alors son jeûne est annulé. Il dit, rahimahullah, et il n'est pas permis pour le jeûneur d'inhaler la fumée de l'encens, de sorte qu'il atteigne son ventre. Car la fumée est une matière. Quant au fait de sentir les bonnes odeurs, alors il n'y a pas de mal en cela. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il a fait la différence entre le fait de sentir l'encens, c'est-à-dire de sentir son odeur, sentir l'odeur du parfum, et le fait d'inhaler la fumée de l'encens. Il a dit, car la fumée, c'est une matière. Et si elle atteint ton ventre, alors tu auras ainsi annulé ton jeûne. Il dit, rahimahullah, le quatrième est tout ce qui est semblable à la nourriture et la boisson, comme les perfusions nutritives, par lesquelles la personne se passe de la nourriture et de la boisson. En effet, la personne qui est sous perfusion nutritive, des perfusions qui ont pour but de l'hydrater et de le nourrir, suite à une opération, par exemple, suite à laquelle elle ne peut pas manger. Alors celle-ci, elle ne peut pas jeûner. Son jeûne est invalidé par ses perfusions, car ses perfusions ont le même jugement que la nourriture et la boisson étant donné qu'elles les remplacent. Il dit, rahimahullah, mais si ces perfusions ne sont pas nutritives, alors elles n'invalident pas le jeûne, qu'elles soient intraveineuses ou intramusculaires. Pourquoi ? Car elles ne remplacent pas la nourriture et la boisson. Elles n'ont donc pas le même jugement que la nourriture et la boisson, et c'est pour cela qu'elles n'annulent pas le jeûne. De la même manière, les savants ont mentionné que les gouttes nasales, les gouttes qui sont mises dans le nez, celles-ci, elles annulent le jeûne, car elles atteignent le ventre. Contrairement aux gouttes pour les oreilles ou pour les yeux, celles-ci, elles n'annulent pas le jeûne et il est permis de les utiliser, même lorsque tu jeûnes, durant le mois de Ramadan. Il dit, rahimahullah, le cinquième annulatif est le fait d'extraire le sang par la hijama. Il dit, on en déduit de cela également la sortie du sang par la saignée, c'est-à-dire par incision d'une veine, ou autre chose semblable qui influe sur le corps de la même manière que la hijama. C'est-à-dire que la hijama, parmi les causes qu'elle fait partie des annulatifs du jeûne, il y a le fait qu'elle affaiblit le jeûneur. En effet, lorsque la personne fait une hijama, elle peut être très affaiblie et avoir besoin de boire et de manger suite à cela. C'est pour cela qu'il ne faut pas pratiquer la hijama durant le jeûne. Il dit quant au fait d'extraire une petite quantité de sang pour une analyse ou autre. Alors ceci n'annule pas le jeûne, car cela n'a pas d'influence sur le corps et ne l'affaiblit pas comme l'affaiblit la hijama. Donc si tu as une analyse de sang à faire, même durant le jeûne, et que l'on t'extrait seulement une petite quantité de sang, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, et cela n'annule pas le jeûne, incha'Allah ta'ala. De la même manière, si la personne saigne du nez, ou se coupe et a une petite blessure et qu'elle saigne un peu, tout ceci n'annule pas le jeûne, incha'Allah ta'ala. Le sixième annulatif, il dit, rahimahullah, c'est le fait de vomir volontairement. Et cela consiste à faire sortir ce qu'il y a dans l'estomac comme nourriture et comme boisson. Donc si la personne se fait vomir volontairement, son jeûne est annulé. Cependant, si une personne est malade, qu'elle a des nausées, et qu'elle vomit alors qu'elle jeûne, et que ceci n'est pas volontaire, alors son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala, et il n'est pas annulé. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, « Celui sur qui le vomissement a pris le dessus n'a aucun rattrapage à faire. » C'est-à-dire qu'il a vomi involontairement. C'était plus fort que lui. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Quant à celui qui a vomi volontairement, alors qu'il rattrape. » C'est-à-dire qu'il rattrape son jeûne. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, et il a été authentifié par Al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. Il dit, rahimahullah, le septième annulatif est la sortie du sang, des menstrues et des lochies, c'est-à-dire pour la femme. Une fois que le sang, des menstrues ou des lochies apparaît, alors le jeûne de la femme est rompu et le rattrapage est obligatoire pour elle. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, n'est-ce pas que lorsqu'Allah ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. Donc dès que le sang des menstrues apparaît chez la femme, même si cela est que quelques minutes avant le coucher du soleil, alors son jeûne est annulé. Elle devra rattraper ce jour. Et la femme doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas se dire « J'ai jeûné toute la journée, il ne restait que quelques minutes, c'est bon, je ne dois pas rattraper ce jour. » Non. À partir du moment où le sang des menstrues est apparu avant le coucher du soleil, alors cette journée de jeûne est invalide. Et il incombe à la femme de rattraper ce jour. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a dit « Et tous ces annulatifs ne font rompre les jeûneurs qu'à trois conditions. » C'est-à-dire que tous les annulatifs que l'on vient de mentionner, ils n'annulent le jeûne de la personne qu'à trois conditions. Et ceci concerne seulement les six premiers annulatifs que l'on a mentionnés. Quant au septième, il invalide automatiquement le jeûne de la femme, comme on vient de le mentionner. Il dit, rahimahullah, la première condition, c'est là que la personne ait connaissance du jugement et connaissance du temps. C'est-à-dire connaissance du jugement de cet annulatif, qu'il est bien un annulatif du jeûne, et qu'elle ait connaissance du temps. C'est-à-dire qu'elle est, durant une journée, que le soleil ne s'est pas encore couché, et ainsi de suite, comme on va le voir à travers les exemples que le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionnés. Il dit la deuxième condition, c'est que la personne soit consciente de ce qu'elle est en train de faire. Et si elle oublie, alors son jeûne n'est pas invalidé, comme on va le voir à travers la parole du shaykh rahimahullah. Et la troisième condition, c'est qu'elle soit libre de son choix, qu'elle ne soit pas contrainte. Il dit donc, si la personne fait une hijama, en pensant que la hijama n'annule pas le jeûne, alors son jeûne est valide, car il ignorait le jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit dans son noble livre « وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ » Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais seulement pour ce que font vos cœurs délibérément. Et il a dit subhanahu wa ta'ala « رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا » Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'il a accepté cette invocation. Et on trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Addi ibn Hatim, radiyallahu ta'ala anhu, que ce compagnon avait pris deux fils, un fil blanc et un fil noir, qu'il avait mis sous son oreiller. Puis il s'est mis à manger en regardant ses fils. Puis lorsqu'il a réussi à les distinguer, à distinguer le fil blanc du fil noir, il s'est arrêté de manger. Et il pensait que ceci était le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدُ » Jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Il a compris ceci du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son acte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ceci est plutôt la lueur du jour et l'obscurité de la nuit. » C'est-à-dire qu'il est permis à la personne de manger durant la nuit jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir. Et ce fil blanc et ce fil noir, qu'est-ce que c'est? C'est la lueur du jour et l'obscurité de la nuit. C'est-à-dire lorsque se lève l'aube, au moment de la prière du Fajr. Et ce qui est voulu ici à travers ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas ordonné de rattraper ce jour. Donc, cette erreur n'a pas invalidé son jeûne. Et cela nous prouve que si la personne ignore un jugement ou ignore le moment durant lequel elle se trouve, alors son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, et s'il mange en pensant que l'aube ne s'est pas levée, puis qu'ensuite il lui apparaît le contraire de cela, alors son jeûne est valide, car il ignorait le temps. Il est indispensable que la personne ait connaissance du temps, du moment dans lequel elle se trouve. Il dit, rahimahullah, en effet, on trouve dans l'authentique de Bukhari, rahimahullah, d'après Asma, fille de Abi Bakr, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'elle a dit, nous avons rompu, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour durant lequel le ciel était couvert, puis le soleil est apparu. C'est-à-dire qu'étant donné que le ciel était couvert, ils ont pensé que le soleil s'était couché. Puis après le soleil est apparu, ils se sont rendus compte qu'il ne s'était pas couché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour. Le cheikh il dit, rahimahullah, donc si le rattrapage était obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait dit, Et ce, car Allah subhanahu wa ta'ala a complété par lui la religion. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit de rattraper, alors les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils auraient transmis cela. Et ce, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant de la préservation de cette religion. Il dit donc à partir du moment où les compagnons radiyallahu ta'ala anhum n'ont pas transmis d'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rattraper ce jour. Nous savons alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné cela. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné cela, alors nous savons que ceci n'est pas obligatoire. En effet, car il aurait été nécessaire que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum transmettent cela, car ceci fait partie des choses qu'il n'est pas possible d'omettre étant donné sa grande importance. Donc si une personne mange par erreur en pensant que le soleil s'est couché, puis qu'il se rend compte par la suite que le soleil ne s'est pas couché en réalité, alors son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala, et de la même manière pour le lever de l'aube. Il dit ensuite, rahimahullah, et si la personne mange par oubli, alors qu'elle jeûne, alors ceux-ci n'auront pas son jeûne. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, celui qui oublie, alors qu'il jeûne, puis qui mange ou boit, alors qu'il continue de jeûner, car c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri et abreuvé. Et ce hadith, il est rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, et si la personne est forcée à manger, quelqu'un la force à manger par la contrainte, ou alors qu'une personne se rince la bouche, que ce soit lors des ablutions ou autres, et que de l'eau atteint son ventre, ou alors qu'une personne utilise des gouttes pour les yeux et que ceci atteint son ventre, ou alors qu'une personne fait un rêve et que suite à cela le liquide séminal sort, alors dans toutes ces situations, le jeûne de la personne est valide, car tout ceci n'est pas de sa volonté. Tout ceci est indépendant de sa volonté. Même si ça a lieu durant une journée de jeûne, une journée de mois de Ramadan, son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, et ne fait pas rompre le jeûneur l'utilisation du siwak. Il dit, c'est plutôt une sunnah pour le jeûneur, comme pour autre que le jeûneur, et ce à tout moment, que ce soit en début de journée ou en fin de journée. Il est permis à la personne qui jeûne d'utiliser le siwak. Et ceci est même une sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de mal en cela. Au contraire, la personne, elle est récompensée, que ce soit en début ou en fin de journée de jeûne. Il dit également, et il est permis au jeûneur de faire ce qui atténue sur lui la difficulté de la chaleur ou de la soif, comme le fait de se rafraîchir avec de l'eau ou autre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se versait de l'eau sur la tête alors qu'il jeûnait, et ce à cause de la soif. Donc il est permis lorsque tu jeûnes, par exemple, de te doucher afin de te rafraîchir pour faire face à la difficulté de la chaleur ou la difficulté de la soif. Et il dit, rahimahullah, et Ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma, avait humidifié un vêtement qu'il s'était mis sur le corps alors qu'il jeûnait, et ce afin de se rafraîchir. Il dit le shaykh, rahimahullah, et ceci fait partie de la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime pour nous, et les louanges et les grâces sont à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et ses facilités. Et c'est ainsi que se termine cet article du shaykh, rahimahullah ta'ala, au sujet des annulatifs du jeûne. Et on verra dans l'assise de demain, bi'idhnillahi ta'ala, le cinquième article qui traite de la prière de Tarawih, la prière de nuit, durant le mois de Ramadan. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alameen.